Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Les sœurs Brontë, la force d'exister, c'est le titre de l'ouvrage de Laura Elmacchi, paru chez Talendier à l'automne dernier. Et Franck Ferrand reçoit aujourd'hui son auteur. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Vous avez peut-être lu Léo de Hurlevent, d'Emily Brontë. Certains membres de l'équipe en sont fous de ce livre, littéralement. Eh bien, ce n'est pourtant que la plus connue des œuvres des sœurs Brontë que je vais évoquer dans un instant et dont nous parlerons tranquillement ensuite avec Laura Elmacchi. Et Lorena Martin nous emmènera ensuite sur les traces des sœurs Brontë à Haworth et elle évoquera notamment le bicentenaire d'Emily Brontë. Exactement, et puis nous reviendrons sur les origines d'un mot historique. Nous sommes mercredi aujourd'hui, un mot centenaire aujourd'hui, Lafayette, nous voilà. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Hurlevent dont je parlais, Wuthering Heights en anglais, est l'unique roman d'Emily Brontë, publié pour la première fois en 1847. Je vous livre le secret, d'après Emily Brontë elle-même, Brontë diront les puristes, hein. Mais on dit Brontë de ce côté-ci de la Manche. Je vous livre le secret du nom de ce Wuthering Heights, le nom de l'habitation de Mr. Heathcliff. Wuthering est un provincialisme qui rend d'une façon expressive le tumulte de l'atmosphère auquel sa situation expose cette demeure en temps d'ouragan. Certes, on doit avoir là-haut un air pur et salubre en toute saison. La force avec laquelle le vent du nord souffle par-dessus la crête se devine à l'inclinaison excessive de quelques sapins rabougris plantés à l'extrémité de la maison et à une rangée de maigres épines qui toutes étendent leurs rameaux du même côté, comme si elles imploraient l'aumône du soleil. Heureusement, l'architecte a eu la précaution de bâtir solidement. Les fenêtres étroites sont profondément enfoncées dans le mur et les angles protégés par de grandes pierres en saillie. Eh bien, ces hauts de Hurlevent vont faire évidemment le succès non seulement d'Emily Brontë, mais on pourrait presque dire de tout un courant littéraire. Ça raconte l'histoire d'amour qui tourne au drame. Mr. Earnshaw, le père d'un garçon Hindley et d'une fille Catherine, va adopter le fameux Heathcliff, cet enfant sans abri qui tombe amoureux de Catherine quelques années plus tard, d'où la rivalité terrible entre Heathcliff et Hindley. L'action se passe dans l'Angleterre du 19e siècle, dans le Yorkshire, région reculée, sauvage, région humide et rocheuse, un endroit complètement à l'écart de l'agitation mondaine, un vrai paradis pour un misanthrope, comme on nous dit au début du roman. C'est dans le Yorkshire qu'Emily elle-même est née et a grandi, ainsi que ses deux sœurs qui vont être également écrivains, Charlotte et Anne. Elles sont unies dans une même passion pour l'écriture, les sœurs Brontë. On peut dire que, sans argent, sans relation, sans soutien particulier, exclues parce que femmes, elles ont réussi à s'extraire de leurs conditions pour connaître un succès qui sera un succès difficile, un succès éphémère. Vous allez voir pourquoi. C'est plus précisément donc à Haworth, dans ce modeste presbytère en pierre noire, que grandissent Charlotte, Émilie et Anne, cette bâtisse située derrière une église avec vue, comme tout presbytère, sur un cimetière. Leur père est pasteur, vous l'aurez compris. Patrick est habillé tous les jours de l'année d'une veste noire, d'un grand col blanc. C'est un passionné de littérature et on le voit écrire, d'ailleurs, lui-même, à ses heures perdues. Il a rencontré un succès local avec une histoire de jeune fille courtisée par un voisin buveur, s'appelle The Cottage in the Woods, la petite maison dans les bois. Lorsque Charlotte naît en 1816, la famille compte déjà deux filles, Maria et Elisabeth. Ensuite, il y a un garçon, Branwell, qui naît en 17. Et puis donc, Émilie l'année suivante, Anne en 1820, la benjamine des six enfants. À l'époque, le village qui compte moins de 5000 habitants Et quand même assez dynamique. Quand je dis village, on pourrait parler d'un gros bourg, disons, c'est un gros bourg. On est en pleine révolution industrielle, le chômage est important, les épidémies de tuberculose, la mauvaise qualité de l'eau, tout ça fait des ravages, bien sûr. Les gens meurent jeunes, beaucoup d'entre eux, et dites-vous que la moitié des enfants meurent avant leur sixième année. Mais c'était la même chose de ce côté-ci, hein. On est dans une période extrêmement difficile. Et cette mort, justement, va bientôt frapper la famille Brontë. Quelques mois après la naissance d'Anne, la mère, elle s'appelle Maria Brontë, elle a 38 ans à l'époque, elle meurt de ce qu'on appellerait un cancer de l'estomac. Elle laisse derrière elle donc 6 enfants et un mari complètement désemparé. Émilie, qui n'a que 3 ans au moment du décès de sa mère, écrira beaucoup plus tard dans un poème qui s'appelle « Encouragement », « Je ne pleure pas ». Je ne pleurerai pas, notre mère n'a pas besoin de larmes, sèche tes yeux aussi, il est vain de garder ce chagrin sans cause trop longtemps. Souviens-toi toujours, elle n'est pas morte, elle nous voit, ma sœur, à présent, allongée là où son esprit d'ange vole dans la bruyère et la neige gelée. Patrick, le père, qui est endetté, qui va bientôt être ruiné, qui est incapable d'assumer seul l'éducation de ses 6 enfants, est aidé par Elisabeth, la sœur de la défunte, et par la fidèle servante Tabitha Aykroyd, qu'on appelle Tabby dans la maison, et qui lit aux enfants des histoires, et qui va sans doute de cette manière leur donner le goût du récit, et même la passion de la lecture. De nouveau la mort qui est là et qui s'invite. Maria, 11 ans, et Elisabeth, 10 ans, donc les deux aînés de la famille, vont mourir de la tuberculose en 1825. Et malgré cette série de drames, malgré l'austérité, l'ennui du quotidien, c'est une famille très unie que cette famille Brontë. Pour les enfants Brontë, nous dit Laura Elmaki, ce rectangle de pierre grise perdu au milieu des Landes était plus précieux que tous les châteaux du monde. Il était leur coin du monde, le moule qui avait forgé leur esprit et nourri l'amour qu'ils se portaient les uns aux autres. Théâtre de perte ou de déception, il demeurait le lieu essentiel où l'on revenait sans cesse pour chercher la volonté première. Cette volonté, vous l'aurez compris, c'est la passion de la lecture et bientôt le goût de l'écriture. Il faut les imaginer, Émilie, Anne et Charlotte, avec leur frère Branwell, ils ont entre 8 et 11 ans. Et là, à la lueur des bougies, ils inventent un jeu, les insulaires. Chacun choisit une île britannique et la peuple de héros. Chacun a ses héros, si vous voulez. Évidemment, on est à la grande époque romantique, hein, c'est l'époque de Walter Scott. Il y a des héros qu'on propose aux jeunes Anglais de l'époque, je pense au duc de Wellington notamment. Ils vont créer un royaume imaginaire, Glasstown. Ils vont l'habiter, ce royaume, si je puis dire, avec les soldats de bois que leur père leur a offert. Et puis, on va voir se former 2 équipes. Émilie et Anne composent de leur côté la chronique du royaume de Gandalf, qui se situe donc dans les îles imaginaires qu'elles ont installées dans le Pacifique. Et puis, Charlotte et Branwell composent une saga qui se déroule dans le royaume imaginaire d'Angria. Angria se passe en Afrique. Se trouve, devrais-je dire, en Afrique. La littérature est, vous l'aurez compris, pour eux, le moyen de vivre autre chose, le moyen de s'évader. Quand on comprend dans quel quotidien ils sont plongés, on les comprend 1000 fois. Ce quotidien monotone les pousse à rêver constamment. Seulement, la famille, bientôt, va essuyer de nouvelles déconvenues, décidément, que de malheur chez les Brontë. la bande originale de la dernière adaptation de Jane Eyre au cinéma avec Michael Fassbender, un film sorti en 2011. Et cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire de la famille Bronté, au cœur de l'histoire de ses trois sœurs, Charlotte, Anne et Émilie. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand, vous nous racontez le destin des sœurs Bronté. Alors avant qu'on reprenne le fil de cette histoire familiale, est-ce que je peux vous demander qui étaient les femmes écrivains les plus célèbres en Angleterre dans cette première moitié du 19e siècle? Jane Austen, incontestablement. Oui, hein, oui. Jane Austen est auteure de Orgueil et Préjugés, Mansfield Park, Emma, etc. Raison et Sentiment. Des ouvrages dans lesquels la société anglaise de l'époque est extraordinairement bien décrite. Elle va mourir en 1817, Jane Austen. Elle a 41 ans. Alors, il y a évidemment aussi Mary Shelley, grande femme du romantique. C'est elle qui, à 18 ans seulement, va créer son fameux Frankenstein, vous savez. Et puis, il y a des femmes qui se cachent derrière des pseudos masculins pour pouvoir être publiées. Derrière George Eliot, par exemple, vous avez Mary Ann Evans. C'est d'ailleurs ce que vont faire les Brontë. Le père, Patrick, n'a d'ambition, pour tout vous dire, que pour son fils, pour Branwell, qu'il rêve de voir étudier à l'Académie royale à Londres. Il voudrait que son fils devienne un grand nom, si vous voulez. Et Branwell lui-même se voit poète. Il va écrire à plusieurs auteurs, à deux auteurs, notamment des écrivains réputés, qui ne lui répondent pas. Et les sœurs, me direz-vous, ben les sœurs Bronté n'ont pas l'intention, n'ont pas l'air décidées en tout cas à entamer une carrière d'écrivain, sauf Charlotte l'aînée. À 20 ans, elle-même décide d'écrire, comme l'avait fait son frère, à un homme de lettres renommé pour savoir si elle a raison de poursuivre dans cette voie, si vous voulez. Elle se tourne vers Robert Southey, qui est un poète qui a ses entrées à la cour, et Southey, dans la réponse qu'il lui fait, douche littéralement ses espoirs. Je cite le poète. La littérature ne peut pas être le travail d'une vie de femme et elle ne doit pas l'être. Plus la femme est prise par ses devoirs, moins elle a le temps d'écrire, que ce soit pour s'accomplir ou pour se divertir. Vous n'avez pas encore été appelé à ces tâches et quand vous le serez, vous rechercherez moins la célébrité. Vous ne chercherez pas dans l'imagination des sensations fortes que les vicissitudes de cette vie et les angoisses dont vous ne pouvez espérer être exempté, quel que soit votre lot, se chargeront de vous apporter. Autrement dit, vivez et autrement que dans vos rêves. Voilà ce que nous dit Laura Elmaki. À l'époque, si rien dans la législation anglaise n'interdit à une femme d'être publiée, la littérature est affaire d'hommes. Question de crédibilité et de physiologie, fragile et vulnérable. Réduites au rôle d'épouse et de mère, les femmes subissent les hypothèses victoriennes les plus hasardeuses. Elles ne sont pas faites pour la fiction, tout juste pour les romans d'amour, et ne peuvent accueillir le pouvoir des mots sous peine de périr moralement et physiquement sous leur poids. Et oui, c'est comme ça qu'on considère les choses. Charlotte et Anne deviennent, j'allais dire, femmes de tâche, femmes de chambre en tout cas. Émilie, elle reste au presbytère, c'est elle qui s'occupe des tâches ménagères à la maison. Émilie et Charlotte, depuis longtemps, ont un projet qui est celui de fonder une école de jeunes filles au presbytère. Avec Anne, elles en seraient les directrices, elles enseigneraient, elles-mêmes d'ailleurs, et c'est un projet qui avance. Seulement, il y a le frère Branwell qui ne va pas aider les choses. Hein. Branwell est non seulement alcoolique, mais c'est un coureur de jupons. Il est devenu tuteur de deux enfants chez un juge de paix à la retraite. Il va être renvoyé quelques mois plus tard parce qu'il faut vous dire qu'il aurait quand même eu un enfant avec la fille d'un fermier. Oui, ça n'aide pas. Et ensuite, il va travailler dans une gare où il gagne un petit peu sa vie, mais il est renvoyé cette fois sous accusation de vol. Mais il n'a que des qualités. Oui, que des qualités. Et sa sœur Anne lui trouve à ce moment-là une place de précepteur chez ses propres employeurs, les Robinson. Seulement, il ne trouve pas mieux que d'entamer une liaison avec la maîtresse de maison, avec Lydia Robinson. Liaison secrète, mais qui assez vite va tourner au désastre. Et Anne, qui est au courant de ce qui se passe, va quitter son poste de gouvernante. Quant à Branwell, il est bientôt renvoyé. Et voilà la fratrie de nouveau réunie à Haworth, dans cette ambiance qui devient vraiment sombre. Branwell maintenant se drogue, Il est adepte de l'alcool, de l'opium. Sa mauvaise réputation ternit celle de la famille qui doit rembourser les dettes du père, rappelez-vous. Les sœurs se rendent compte qu'aucun parent ne voudra inscrire son enfant dans une école dirigée par des filles à la si mauvaise réputation. Alors ce ne sont pas elles qui ont la mauvaise réputation, mais au moins leur frère, Branwell, totalement infréquentable. Le seul espoir qui leur reste, c'est l'écriture. Vous voyez comment elles sont quasiment contraintes, finalement. Elles sont poussées à l'écriture. Elles n'ont jamais arrêté de noircir des feuilles de poèmes, d'histoires inspirées en grande partie de leur propre existence. Aucune des sœurs ne sait ce que fait l'autre, jusqu'au jour où Charlotte tombe sur ce qu'écrit sa sœur, Émilie. Je la cite. « Je parcourus ce volume et fus saisi par quelque chose qui dépassait la surprise, une conviction profonde que ce n'était pas là des épanchements ordinaires et que cela ne ressemblait en rien à la poésie qu'écrivent généralement les femmes. Je trouvais ces vers ramassés et concis vigoureux et vrais. Ils possédaient, pour mon oreille, une musique singulière, indomptée, mélancolique et exaltante. Il fallut des heures pour lui faire accepter la découverte que j'avais faite et des jours pour la persuader que de tels poèmes méritaient d'être publiés. » Et puis c'est Anne, vous savez, Anne, la plus discrète des trois sœurs, qui va montrer aux autres ce qu'elle écrit. Et à ce moment-là, Charlotte a une idée, réunir les meilleurs poèmes des trois sœurs dans un recueil et publier le fameux recueil. Elles savent que si le recueil a du succès, ça dépendra évidemment non de leur nom, mais de leur sexe. Hein. Du coup, elles choisissent des pseudonymes masculins, bye, évidemment. Alors Charlotte, Émilie et Anne deviennent respectivement Currier, Hellis et Acton Bell. Elles ne parlent à personne de leurs intentions. Elles envoient le courrier à pas mal d'éditeurs. Et en mai 1846, arrive au presbytère un paquet. Les trois sœurs ouvrent le paquet et à l'intérieur, il y a trois copies de leur recueil des poèmes par Currer, Ellis et Acton Bell. Alors, il y a des journalistes qui vont s'intéresser à ce recueil. On remarque surtout les poèmes d'Émilie. Ceux de Charlotte et d'Anne passent un peu plus inaperçus. Malgré le relatif échec du recueil, mais enfin, après tout, il n'a pas été beaucoup vendu. Hein. Deux exemplaires. C'est pas beaucoup. Les sœurs Brontë décident de poursuivre. Elles ont dans leur tiroir des manuscrits inspirés de leur existence. Et une fois de plus, Charlotte, qui est la plus ambitieuse, qui est le tempérament le plus coruscant des trois, Charlotte prend les devants pour essayer d'envisager une publication. Vous allez voir, on va y arriver. Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous plonge au cœur de l'histoire des sœurs Brontë. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, une émission qui vous rappelle peut-être vos lectures. Alors n'hésitez pas, vos questions c'est dès maintenant sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Europe 1 au cœur de l'histoire. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur d'une histoire familiale cet après-midi entre trois sœurs, les sœurs Brontë, qui pour l'instant ne connaissent pas de succès. Elles ont édité un recueil de poèmes sous les noms de Currier, Ellis et Acton Bell. Deux exemplaires seulement de vendus. Il arrive quand le succès, Franck? Alors, Currier Bell, là ça vient. Ah, d'accord. Nous sommes en 1847, ouais. La date à retenir. Ouais. Currier Bell, donc c'est le pseudonyme de Charlotte Brontë et c'est le nom d'auteur sous lequel est publié le 16 octobre 1847, Jane Eyre. Jane Eyre, c'est cette enfant martyrisée dans un pensionnat qui, lorsqu'elle va grandir à 18 ans, devient gouvernante pour le noble Mr. Rochester. Et ce Rochester, elle va en tomber amoureuse. C'est un beau succès, Jane Eyre. Les exemplaires, on avait tiré plusieurs centaines d'exemplaires et ça se vend bien. On va faire plusieurs tirages. Et en retour, on commence à recevoir de l'argent. Charlotte, en tout cas, commence à recevoir de l'argent. La presse lui réserve dans l'ensemble de bonnes critiques. La Westminster Review affirme qu'il s'agit du meilleur roman de la saison. C'est très encourageant, ça, quand même. Alors c'est une belle reconnaissance, mais qui ne fait pas perdre, la raison à Charlotte, c'est le moins qu'on puisse dire. Ne vous forgez pas une trop haute idée de mon génie et ne présumez pas trop, emporté par votre optimisme, de ce qu'il peut accomplir, dit-elle à ses sœurs qui sont folles de joie. Elle n'a sans doute pas oublié, Charlotte, qu'avant la publication de Jane Eyre, personne n'avait voulu publier Le Professeur, qui était un autre roman, et qui sera publié d'ailleurs à titre posthume. La publication, le succès de Jane Eyre vont attirer évidemment l'attention sur les deux autres romans des frères Bell, Léo de Hurlevent et Agnès Grey, derrière lesquels se cachent donc Emily et Anne Brontë. Ainsi paraît en décembre 48, Léo de Hurlevent. Le roman se vend plutôt bien, mais il reçoit moins de louanges de la part des critiques que le précédent. Et puis, c'est le moment où paraît donc Agnès Grey, le roman d'Anne, qui raconte lui aussi le destin d'une gouvernante. Et ça, c'est embêtant, parce que donc la profession a déjà été explorée dans Jane Eyre, qui a été publiée, vous l'avez compris, quelques mois plus tôt. Et les critiques comparent les deux ouvrages et préfèrent Jane Eyre à Agnès Grey. C'est assez injuste ce qui se passe, parce qu'en fait, le deuxième publié était le premier écrit, si je puis dire. Laura Elmaki nous dit... Il est incontestable qu'Anne en avait eu l'idée la première, que Agnès Grey est en théorie le premier roman à montrer l'envers de cette profession. Ce que les critiques de l'époque n'ont également pas vu, c'est que le livre d'Anne est le plus audacieux des trois. Sobre et droit, celui-ci ne s'intéresse qu'à la vérité, renonçant à la grandiloquence des tableaux romantiques. L'intensité se trouve ailleurs, dans l'absence complète d'une domination masculine qui, chez Charlotte et Emily, est centrale. Et oui, c'est tellement plus fort et moderne, et pourtant, ça, c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle... C'est peut-être trop moderne. Et voilà, ça peine un peu plus à s'imposer. Alors, après avoir passé tant d'années à garder pour elles leurs écrits, les sœurs Brontë sont donc publiées. Elles finissent par l'annoncer à leur père. Anne publie ensuite un second roman, La recluse de Whitefell Hall. On est là en juin 48, sauf que l'éditeur a la mauvaise idée de vendre quelques pages du livre d'Anne à un confrère américain, lui assurant que ce livre est écrit par la même auteur que Jane Eyre, Wuthering Heights et Agnès Grey. L'éditeur Smith, Elder et compagnie demande une explication sur le champ. Et Charlotte et Anne sont obligées d'aller s'expliquer. Les voilà partis à Londres pour rencontrer l'éditeur. C'est Charlotte qui raconte l'entrevue. « Mr. Smith, fis-je en levant les yeux à travers mon lorgnon vers un homme jeune de haute stature et d'allure distinguée, lui-même. Je lui remis alors la lettre qu'il avait adressée de sa main à Cœur Bell. » Il la regarda, me regarda, revint à la lettre, puis à moi, une fois, deux fois, son étrange perplexité me fit rire, s'ensuivit une scène de reconnaissance, je lui dévoilai mon vrai nom, Miss Brontë. On nous entraîna vivement à l'arrière de la boutique, dans une petite pièce couverte d'une grande verrière, à peine assez vaste pour contenir trois chaises et un bureau, et l'on passa aussitôt aux explications. En septembre 48, un drame... Là, cette fois, drame prévisible, contrairement au précédent, va venir perturber la famille, puisque Branwell, vous savez, le frère maudit, meurt de la tuberculose à 31 ans. On peut dire que, décidément, la mort fait partie de la vie des sœurs Brontë. Elles n'ont pas fini, néanmoins, de faire parler d'elles. Nous allons découvrir la suite de leur vie, de leur histoire, avec Laura Elmaki. Bonjour Laura, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez écrit ce beau livre, Les Sœurs Brontë, La force d'exister, chez Talendier. Ce sont des figures extraordinairement résistantes, vos trois sœurs. Là. Elles sont coriaces, si vous me passez l'expression. Elles sont coriaces, elles ont effectivement un courage qui m'étonne, qui m'a étonnée, qui continue de m'étonner. Et en fait, qu'on décèle, si on lit bien leur œuvre, qu'on décèle dans leurs romans, dans leurs poèmes. J'en parle un petit peu dans mon livre. Je trouve que chacun de leurs livres est comme une rafale de vent qu'on prend en pleine figure. Et elles ont ce vent des Landes anglaises en elles et qu'elles nous font sans cesse ressentir. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Mmh. Kate Bush à l'instant sur Europe 1 pour cette émission consacrée aux sœurs Brontë. Vous êtes nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. C'est une émission qui vous rappelle bien des souvenirs de lecture et de jeunesse. Et nous allons aller plus loin dans l'histoire de ces trois sœurs écrivains avec de grands succès. Et votre invitée est aussi écrivain. C'est aussi une femme. Elle s'appelle Laura Elmaki et elle est l'auteur des Sœurs Brontë, La force d'exister, paru chez Talendier. La fratrie comportait donc aussi un garçon et je me suis arrêté à la mort de Branwell. Que vont-elles devenir les trois sœurs après ? Racontez-nous ça en quelques mots, Laura Elmaki. Alors elles vont essayer de dépasser cet énième chagrin et elles vont décider de continuer à écrire, d'attendre aussi des réponses des éditeurs parce qu'elles continuent à écrire et surtout... Elles écrivent toujours sous pseudonyme masculin ? Alors oui, elles écrivent toujours sous pseudonyme masculin. Le secret est bien gardé. Mais très vite, ce qu'il va se passer, c'est que Émilie va tomber malade et puis ça va être Anne. C'est l'hécatombe. Elles vont tomber les unes après les autres. Et finalement, Charlotte va rester seule survivante de cette fratrie créatrice, à ne plus savoir quoi faire de cette notoriété qui commence aussi à grandir. Oui, c'est une histoire extrêmement dérangeante, cette vie des sœurs Brontë. On ne sait pas grand-chose d'ailleurs de leur vie. C'est Charlotte qui écrit le plus, précisément, qui nous livre quelques éléments. Mais c'était un défi pour vous de nous raconter la vie de personnages sur lesquels les données manquent les cruellement. Les données manquent. C'est vrai qu'on a un seul regard majoritaire, c'est celui de Charlotte qui a beaucoup écrit de lettres à ses amis où elle raconte sa vie quotidienne. Donc tout passe par son regard, tout passe par ses opinions. C'est très difficile de se détacher d'elle parce que c'est aussi un caractère assez particulier. Hein. Charlotte, vous en avez un petit peu parlé. Elle est assez exigeante, elle est ambitieuse, elle est très critique aussi envers ses sœurs. On connaît ses préférences. Elle adore Émilie. Elle critique beaucoup la petite Anne, pauvre Anne, qui va rester effacée pendant de longues années. Donc ça a été difficile de faire le tri, mais c'était aussi tout le défi de cette biographie d'essayer d'écrire aussi la contre-histoire. En fait, c'était de deux binômes, si on compte Branwell dans la bande. Hein. Charlotte et Émilie, et Anne et Branwell. Alors c'était Émilie et Anne surtout. Au départ ils écrivaient à quatre. Et puis effectivement ils se sont départagés en quelque sorte les mondes imaginaires qui devenaient des refuges contre le malheur. Et Émilie et Anne ont écrit ensemble, Charlotte et Branwell aussi. Ils se faisaient lire ce qu'ils écrivaient. On a l'impression d'une forme de synergie, d'émulation, qui peu à peu tourne à la concurrence, voire à l'incompréhension entre eux. Alors oui, c'est aussi le passage, je pense, tout simplement de l'enfance à l'adolescence, et puis de l'adolescence à l'âge adulte. Et il y a aussi les caractères qui s'ébauchent. Charlotte, qui devient très ambitieuse, et qui, elle, veut la reconnaissance. Elle veut être écrivain, elle veut y parvenir, contrairement à Émilie, qui est très bien dans le presbytère à faire le pain tous les jours, et Anne, qui cherche davantage, on va dire, l'indépendance financière. Anne, c'est la plus féministe de toutes. Elle veut trouver un travail, gagner de l'argent, et surtout ne pas dépendre des hommes. Continue à écrire, mais elle n'envisage pas forcément ça comme carrière. Vous étiez une grande lectrice, vous, des Sœurs Brontë, avant de vous attaquer à cette bio. Ouais. Ce sont d'excellents souvenirs d'adolescence. Elles m'ont accompagnée pendant très longtemps. Elles m'ont donné aussi envie d'écrire. On a l'impression que, finalement, lorsqu'on lit les réactions de nos auditeurs, une forme de nostalgie s'attache à ces romans, à l'atmosphère que décrivent ces romans et à la psychologie également dont ils sont porteurs. Car il ne faut pas oublier que cette dimension-là est très présente dans la littérature des Sœurs Brontë. La psychologie, oui, des personnages. On parcourt quand même à chaque fois effectivement un esprit, alors que ce soit Jane Eyre, Agnès Grey ou Heathcliff. Hein, Heathcliff qui est quand même le mâle par excellence et l'un des personnages qui a le plus marqué l'Angleterre du XIXe siècle. Et jusqu'au XXe siècle, hein, les plus grands auteurs, que ce soit Proust, Bataille, Virginia Woolf, se réclament de ce personnage très énigmatique, très mystérieux, qu'on a du mal à détester, alors même qu'il est très malveillant. Alors nous allons revenir un peu sur les éléments que vous avez pu collecter de sources sûres. On va revenir un peu sur le tempérament de chacun et de chacune d'ailleurs, puisque ce sont les trois sœurs qui nous intéressent. Là, on va mettre Branwell de côté si vous voulez. Et j'espère qu'à la fin de cette émission, nos auditeurs auront de chacune des trois une image un peu plus claire. Et puis pour le reste, ils iront lire votre ouvrage qui s'appelle donc Les Sœurs Brontë, la force d'exister, qui est publié chez Talendier. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire des sœurs Brontë cet après-midi. Beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook au cœur de l'histoire et sur Twitter avec le hashtag ACDH. Des questions pour votre invité Franck Ferrand, Laura Elmaki, qui est écrivain, auteur des sœurs Brontë, La force d'exister, paru chez Talendier. Et Ayrton vous demande s'il y a une explication au choix des pseudonymes Currer, Ellis et Ayrton Bell. Alors, elles ont surtout voulu garder leur initiale. Donc, Charlotte, Émilie et Anne sont devenues Currer, Ellis et Acton. Brontë est devenue Bell. Alors, Bell, il y a deux explications possibles. La première, c'est que c'était le nom du vicaire de leur père, qu'elles côtoyaient souvent. Donc, le nom était là, elles l'ont pris. La deuxième, c'est que les cloches du... Bell, ça veut dire cloche. Exactement. Venaient juste d'être changées. Elles étaient neuves. Donc, il y avait un son assez perçant qui résonnait dans le village. Et peut-être qu'elles ont voulu, elles aussi, prendre le pas de cette nouveauté. Avec elle. Ce sont des autodidactes d'une certaine manière, ces trois sœurs. Alors oui et non. En fait, elles ont été aussi très éduquées par leur père, qui était un amoureux des lettres. Mais effectivement, elles ont appris à écrire seules, à se corriger entre elles, à s'améliorer. Il y a une émulation qui est très grande au début. Il y a une vraie émulation et une vraie société d'écriture qui se crée, qui se reproduit chaque soir avant d'aller dormir. Elles ne vivent que pour ça. Vraiment. Et Charlotte, vous nous disiez, est animée d'une ambition très particulière. C'est elle qui d'ailleurs va aller jouer l'indiscrète, va trouver les écrits d'Émilie, va la pousser. C'est elle qui veut la reconnaissance, c'est elle qui va assurer la postérité d'une certaine manière. Elle survit à ses sœurs, elle va mourir 6 ou 7 ans après elle. Oui, Charlotte est une jeune fille très insatisfaite de sa condition. Elle n'aime pas l'idée d'être une femme, elle aurait aimé, je pense, être un homme, avoir le même pouvoir que les hommes. C'est pour ça qu'elle en veut beaucoup à son frère Branwell de n'avoir pas saisi cette chance de devenir artiste, parce qu'elle l'aurait prise sans hésiter. Donc elle est insatisfaite et effectivement elle est prête à tout pour sortir de ce presbytère, et surtout que Londres parle d'elle parce qu'elle est persuadée d'avoir du talent et même du génie. Vous avez repris cette fameuse citation où elle parle de son génie. C'est vrai que Émilie et Anne savent écrire et elles s'en satisfont très bien. Charlotte est persuadée qu'elle va peut-être révolutionner l'histoire littéraire. Est-ce qu'il est normal, somme toute, au-delà de la fratrie et au-delà du creuset commun, ce creuset c'est Haworth, dont on va parler tout à l'heure avec Lorena Martin, est-ce qu'il est normal d'associer ces grands romans qui, somme toute, sont chacun le fruit d'un cerveau très différent et d'une inspiration différente? On a tendance à toujours les réunir, les romans des sœurs Brontë. Oui, alors parce qu'elles viennent effectivement du même lieu fondamental qui est ce village, cette ville perchée et perdue au milieu des Landes. Tout est né de là, et dans tous les romans on retrouve ces Landes, ce presbytère, ces routes pierreuses, ces jeunes filles habillées de noir un peu perdues qui se cherchent. On a quand même la même musique dans chacun des romans. Quelque chose de très autobiographique à chaque fois. C'est très autobiographique, alors peut-être un peu moins pour Émilie, qui s'inspire soi-disant d'un fait divers des alentours. Mais effectivement, pour Charlotte et Anne, c'est extrêmement autobiographique. Elles parlent de leur expérience de gouvernante et elles veulent raconter aussi leur histoire, comment elles vivent. Anne a mal vécu que le roman de sa sœur, publié avant, ait eu un grand succès et en quelque sorte fait de l'ombre au sien. On ne sait pas, parce que Anne, on a plus du tout ses journaux intimes, on ne sait pas ce qu'elle pensait. Donc on peut imaginer qu'elle a dû mal le vivre. En fait, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et en l'occurrence, c'est Charlotte qui écrit l'histoire des sœurs Brontë. C'est Charlotte qui écrit l'histoire des sœurs Brontë. Malheureusement, on a des preuves aussi, et on voit maintenant les actes, ce qu'elle a pu faire. Donc on peut imaginer ce qui s'est passé du côté d'Anne, qui était d'une nature beaucoup plus discrète. Donc elle en a sûrement voulu à Charlotte sans lui dire. Est-ce que, d'après vous, ces romans sont un élément documentaire pour nous? Est-ce qu'ils nous enseignent des choses sur la vie dans cette Angleterre du 19e siècle, dans cette société? Oui, bien sûr. Alors, ne serait-ce que déjà, si on prend le premier, le plus connu, Jane Eyre, ce qu'elle décrit des pensionnats de jeunes filles pour orphelins, c'était exactement ça. Elle a elle-même vécu parce que son père, manquant d'argent et de temps, l'avait placée quelques mois dans un pensionnat où ses deux sœurs aînées, parce que les sœurs Brontë au départ étaient 5, hein. Là, on parle de 3 sœurs Brontë. Oui, bien sûr, on a parlé de la mort des deux premières. Les deux premières sont mortes au pensionnat. Donc, la dureté de cette vie-là, l'idée qu'on pouvait attraper un rhume et mourir 15 jours après, après, boire à la mauvaise eau. Une forme d'âpreté, mais d'âpreté esthétique, d'une certaine manière. Tout ça est très beau, quand même. Mais oui, parce qu'elles ont un esprit extrêmement poétique, et c'est ça qui est fascinant et bouleversant. C'est que malgré cette vie rugueuse, cette existence difficile, elles n'en perdent pas ce souci esthétique. Leur imagination est d'autant plus flamboyante que leur quotidien ne l'était pas, somme toute. Pas beaucoup de passion dans ces vies-là, en dehors de la littérature. Non, mais c'est déjà une passion, je trouve. Ah non, bien sûr, mais oui. C'est déjà une grande passion, mais c'est vrai qu'elles jouaient du piano, elles cuisinaient, mais effectivement, leur vie était très restreinte à ce presbytère. L'écriture était une vraie échappatoire et une manière aussi de se dresser contre ce monde du dehors qui leur était hostile. Une manière de dire qu'elles existaient. D'où le titre que j'emprunte à Spinoza, à ce grand philosophe, La force d'exister. Elles n'ont jamais cessé de vouloir exister. À partir de quand est-ce que les sœurs Brontë sont reconnues en tant que telles, qu'on n'a plus besoin de les cacher derrière des pseudonymes et que leur biographie commence à intéresser les critiques littéraires? Alors c'est après la mort d'Émilie et Anne, pendant que Charlotte est seule au presbytère et se demande ce qu'elle va faire sans ses sœurs, le secret commence à n'être plus vraiment un secret, des rumeurs courent, des personnages, des personnes du village se reconnaissent dans les romans des sœurs Brontë, et puis il y a des journalistes un peu trop curieux qui mènent l'enquête et qui en viennent à trouver qu'en fait les frères Bell sont les sœurs Brontë. Oui. Donc Charlotte est obligée de dire oui, c'est bien moi, c'était bien nous. Et elle présente ses sœurs défuntes dans un texte qui va faire date parce que c'est là qu'elle les départage et qu'elle décide de leur postérité. Ça, c'est un acte extrêmement important et qui a déterminé en fait toute la suite de l'histoire. Charlotte dit voilà, j'avais deux sœurs, Émilie qui était un génie et Anne qui était un peu moins que ça. Eh oui, toujours, on voit ressortir quand même les problèmes intimes de la fratrie Tout dans fait, la façon oui. dont la postérité les digère. Mm. Elles deviennent de véritables héroïnes de romans à leur tour, d'une certaine manière, et de films en tout cas. Oui, elles vont devenir assez mythiques, alors beaucoup plus reprises, on va dire, à partir du début du XXe siècle. Mais effectivement, Émilie Brontë, on lui voue encore un culte absolument incroyable, et notamment en Angleterre, où elles sont l'équivalent de notre Victor Hugo ici, si vous voulez. C'est ça, hein, oui. ce sont un peu les mères de la littérature anglaise, si l'on peut dire, après Shakespeare et dans un autre registre, quoique. Beaucoup de souffle également, beaucoup d'inspiration dans les différents romans des sœurs Brontë. Et les poèmes sont aussi appris encore. Alors en Angleterre, je ne saurais vous dire. C'est vrai qu'en France, on les lit assez peu. Alors même que notamment les poèmes sont quasiment intraduisibles parce que tout est dans la scansion. Là, donc, tout à fait. Les poèmes d'Émilie sont traduits. Il y a une très très belle tentative extrêmement réussie par Pierre Léris chez Gallimard. Mais effectivement, il vaut mieux les lire en anglais si on peut. Merci beaucoup Laura Elmaki. Merci à vous. Votre ouvrage s'intitule Les sœurs Brontë, il est publié chez Talendier, sous-titré d'après Spinoza, nous disiez-vous à l'instant, La force d'exister, et je me permettrai de souligner la très grande qualité du style qui est très pur, très beau, très limpide. C'est suffisamment rare pour être souligné. Bravo, merci beaucoup. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et après avoir découvert la vie des sœurs Brontë, il est maintenant temps d'aller sur place, là où elles ont vécu, grandi, avec Lorena Martin, qui est votre guide cet après-midi, direction Haworth. Et il faut dire, Lorena Martin, je vais faire une révélation à nos auditeurs, vous avez vécu à Liverpool, vous. Oui. Donc cette Angleterre-là n'a pas de secret elle pour vous. Cher. Donc là, nous allons pas très loin de Manchester, dans l'ouest du Yorkshire. Exactement, on est à 1h30 au nord de Manchester. On est vraiment dans l'Angleterre du Nord, là. Hein. Oui, et Haworth ne serait pas si connu quand même aujourd'hui sans les sœurs Brontë. Il faut bien le dire, c'est un village perché sur la chaîne de montagnes des Pennines, qu'on surnomme la colonne vertébrale de l'Angleterre, qui vient de Penno, qui veut dire sommet en langue celtique. Et ce village, ce sont beaucoup de petites rues en pente, pavées de pierres, assez escarpées, qui restent assez semblables quand même à ce qu'il était au 19e siècle, un petit peu comme s'il avait été figé dans le temps. Haworth est devenu un musée à ciel ouvert, très touristique. Parce que, néanmoins. Oui, néanmoins. Nous parlions à l'instant avec Laura Elmaki de la popularité des sœurs Brontë. En l'occurrence, on vient comme en pèlerinage visiter Haworth. Alors, beaucoup de Britanniques, mais aussi des gens du monde entier qui ont lu, bien sûr, tous les romans des sœurs Brontë et qui viennent se recueillir sur leur tombe, visiter ce presbytère, etc. C'est un peu comme vous l'avez dit, les sœurs ne sont pas nées là, mais c'est ici qu'elles ont grandi et vécu l'essentiel de leur vie. Et c'est là, dans le presbytère, qu'elles ont écrit l'essentiel de leurs œuvres. Ce presbytère a été aujourd'hui transformé en musée. C'est le Brontë Parsonage Museum, qui est géré par la Brontë Society. Il figure parmi les sites littéraires les plus visités au monde. C'est un presbytère en pierre noire du XVIIIe siècle. Et on y trouve tous les meubles d'origine et des objets qui ont appartenu aux sœurs Brontë et à sa famille. La Bible du père, la coiffure de mariée de Charlotte, des robes, des bijoux, l'écritoire d'Anne et beaucoup aussi de manuscrits originaux. Et il existe aussi dans la ville et puis ses alentours tout un parcours tracé par la route Brontë de près de 70 km qui nous entraîne en fait dans tous les lieux où elles ont vécu ou sont allées. Il n'y a pas que chez nous qu'on a des routes touristiques. En fait, les Anglais ont beaucoup donné dans ce genre-là et même un petit peu plus tôt, pour tout dire. Oui, et on peut se balader donc dans ces landes parsemées de chapelles. On y trouve beaucoup de moutons, bien sûr, propres à cette région, des prairies verdoyantes. Et puis, c'est cette campagne qui a tant inspiré Émilie pour son roman « Les Hauts de Hurlevent ». On peut voir aussi l'église. L'église, Saint-Michel et tous les anges. Patrick Brontë, père. Le père donc y officiait. Elle a en partie été quand même démolie au 19e siècle, mais on peut toujours y voir notamment une tour. Il y a le cimetière aussi de Haworth. En fait, on peut dire que le fantôme du père est à l'église et que le fantôme du frère est au pub, sans doute, non ? Oui, le pub Black Bull. Que fréquentait beaucoup Branwell, là où il sombrait dans l'alcoolisme. Et il faut dire aussi que la ville regorge de librairies, de salons de thé, de boutiques de souvenirs, bien sûr, tout en hommage aux sœurs. Alors là, le 30 juillet 2018, c'est le bicentenaire de la naissance d'Émilie. D'Émilie Brontë. Exactement. Donc il y avait déjà eu celui d'une autre sœur, mais beaucoup de manifestations en fait se déroulent à Haworth tout au long de l'année. Parmi les temps forts, il y a notamment une exposition organisée pour le bicentenaire qui s'appelle Making Thunder Roar. C'est un petit peu littéralement, ça veut dire faire l'effet d'un coup de tonnerre. Elle aura lieu du 1er février 2018 au 1er janvier 2019 au presbytère. Et cette exposition invite un petit peu tous les admirateurs d'Émilie, dont beaucoup bien sûr de personnalités britanniques, à partager leur fascination pour sa vie et son travail. Ils ont sélectionné des biens, des écrits, des œuvres d'Émilie, ainsi que beaucoup d'articles ménagers qu'elle apprécie. On peut voir notamment le portrait des trois sœurs qui a été peint par leur frère, que le National Portrait Gallery de Londres prête. Et le musée aussi propose de convier les visiteurs à recréer le manuscrit perdu des Hauts de Hurlevent d'Émilie. Chaque jour, les visiteurs pourront écrire au moins une phrase et puis on aura bien sûr le manuscrit à la fin. Ce sera joli, ça. C'est une bonne idée. Vous êtes traduite en anglais, Laura Elmaki ? Ce livre existe en version anglaise ? Alors non. Mais il va falloir y songer. Pas encore, peut-être. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et tous les jours, pour finir l'émission, vous nous proposez, Franck, les origines d'une tradition, d'une invention, d'un mot. Aujourd'hui, c'est une expression... historique. Voilà, historique. Alors, on en parlait il y a quelques semaines de l'entrée en guerre des Américains. C'était il y a 100 ans. Eh bien, la phrase d'aujourd'hui a 100 ans. Eh oui, c'est une phrase centenaire. Lafayette, nous voilà. Alors, j'ai eu l'occasion de vous dire à l'époque, quand on avait fait l'émission, que ça n'est pas le célèbre général Pershing, le chef du corps expéditionnaire américain, qui a prononcé cette fameuse phrase. Elle aurait été prononcée, en vérité, par le colonel américain Stanton sur la tombe de Lafayette. La tombe de Lafayette est au cimetière de Picpus. Il faut aller au cimetière de Picpus et en profiter pour voir dans l'église ces immenses tableaux avec les noms de tous les guillotinés de la terreur. Vous savez, c'est un endroit extraordinaire. On est à Paris, bien sûr, au cimetière Picpus. C'est le 4 juillet, ça ne s'invente pas, 4 juillet 1917 que Stanton aurait déclaré Lafayette, nous voilà. Parce que, évidemment, on fait allusion à l'entrée en guerre des Américains, qui est une réponse, en quelque sorte, une logique de remerciement qui nous ramène en 1775 à la guerre d'indépendance américaine, lorsque les colonies du continent américain, les colonies anglaises, se révoltent évidemment contre la métropole britannique. En France, en 77, le jeune lieutenant de Lafayette décide de partir seul pour l'Amérique. Bon, la suite, c'est l'histoire de Lafayette, je ne vais pas vous la raconter maintenant. Un mot, en revanche, de la statue. Vous savez que on a réinstallé, oui, là, il y a quelques mois seulement, sur le haut de la côte de Picardie, sur la route qui mène de Ville d'Avray à Versailles, on a réinstallé sur leurs socles monumentaux les belles statues de Pershing et de Lafayette. Un centenaire qui n'est donc pas passé inaperçu à Versailles. Nous nous retrouvons demain, chère Anissa. Demain à 14h pour une émission pleine de mystères, puisque demain nous parlerons du masque de fer et des énigmes de l'histoire. Avec Jean-Christian Petit-Fils.